scolaire Christophe Turc, Marie Renoir, jeudi 2 février 2017, 15h45. Et si on rendait cet espace piéton? Des espaces partagés pourraient être installés, jardins, potagers. Les habitants auraient des lieux conviviaux pour se retrouver à côté de chez eux. Ben voilà.